إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الجلسة الثانية في ترجمة نصيحة سماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به، الموجهة إلى الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله. C'est notre deuxième assise, frère en Allah, Azzawajal, dans la traduction de cette nasiha de son éminence, Cheikh Ubaid, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans l'obéissance à Allah. Cette nasiha et ce conseil qu'il prodigue à Cheikh Abdelaziz al-Rais, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve tous. وأذكركم بما سمعتم في المكالمة المجزلة مع سماحتي حفظه الله. Et je vous rappelle ce que vous avez entendu auparavant à l'audio enregistré avec Cheikh Ubaid حفظه الله تعالى. أقول لك شيئا واحدا، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: خير الكلام ما دل وكفى، خير مما كثر وألهى. Je te dis une seule chose. C'est les paroles de Cheikh Ubaid. Je te dis une seule chose. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: la meilleure des paroles étant la parole courte qui amène au but et qui donne la signification. Il est mieux que beaucoup de paroles qui perturbent et qui éloignent. يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به: ولو قلت قول الرجل لضللت وما كنت من المهتدين. Et Cheikh Ubaid de dire, si j'ai dit les paroles de l'homme, c'est-à-dire de Cheikh Abdelaziz al-Rais, j'aurais été égaré et je ne serais pas parmi les guidés. ويقول الشيخ حفظه الله: والرجل تعقب كلامي لكن بداية وجدنا فيه تناقضا وسأرد عليه إن شاء الله. Il dit حفظه الله تعالى, parce qu'il est au courant, il a lu la risala et la réponse du Cheikh Reis Habidallahu Ta'ala. Il dit: l'homme a répondu à mes paroles, mais dès le départ nous avons trouvé des contradictions et je vais lui répliquer Inch'Allah. Wa as'alullah al-azim Rabb al-arsh al-azim bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yubassirana bi manhaj salafina al-salih, lianahu indama nara wa nasma' hadihi al-hamasat wa hadihi al-infi'alat المبنية على العاطفة التي لم تقيد بالشرع، هذا يدل على أن كثيرا منا لم يفهموا منهج سلفهم الصالح، وأنه يجب علينا أن نتقعد فيه ونتشبع بأصوله وقواعده. فما هذه التعصبات وما هذا الشتم الذي وقع بين البعض؟ هذا لا يليق بالإخوة السلفيين، فلنتحلى بآداب سلفنا الصالح ولنتحلى بآداب علمائنا حفظهم الله. ألا ترون كيف يكتب بعضهم لبعض: الأخ الكريم محبكم في الله، كما في آخر رسالة الشيخ عبيد للشيخ الرئيس. فلا ننفعل ولا نتحمس تحمسات الفارغة، ولنتق الله في منهجنا، ولنتق الله في أنفسنا. Et Allah Azza wa Jal, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et par ses attributs, qu'il nous donne la clairvoyance dans la voie de nos puiseurs d'Allah Alim. Car quand on voit ce qui se passe actuellement, et ces excitations, hein, et ces réactions qui sont fondées sur les sentiments, ces sentiments qui ne sont pas conditionnés par la législation, cela prouve que beaucoup parmi nous n'ont pas compris la voie de leur puiseur d'Allah Alim. Et qu'il est obligatoire pour nous de digérer et de mettre en application les règles et les fondements de la voie de nos puiseurs d'Allah Alim. C'est quoi ce sectarisme? C'est quoi ces insultes qui sont arrivées entre certains frères? Ceci ne convient pas à Oussalafi. Nous devons avoir le comportement de nos puiseurs d'Allah Alim. Nous devons avoir le comportement de nos hommes de science. Vous n'avez pas vu comment les hommes de science répliquent les uns aux autres, et à la fin de la réplique ils écrivent: le noble frère, c'est celui qui vous aime en Allah, comme dans cette risale de Cheikh Obeid, hein, qu'il écrit à Cheikh Reis. À la fin il dit: Akhoukoum fillah, muhibboukoum fillah, votre frère en Allah, celui qui vous aime en Allah. Et ne devons pas, parce que les répliques sont faites pour rendre service, pour conseiller, etc. Et nous ne devons pas avoir cet enthousiasme faux, et fou plutôt, et nous ne devons pas avoir ces réactions et s'insulter les uns les autres. Sallallahu subhanahu wa ta'ala tabbitna wa iyyakum. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ندعو بدعاء نبينا الذي كان يقول فيه في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي إلى صراط المستقيم. Et dans ce genre de situation, il ne reste qu'à faire le même dua que faisait notre prophète alayhi salam quand il se levait pour les prières de nuit: ô souverain de Jibrail, de Mikaël, créateur du ciel et de la terre, toi qui as la science de l'invisible, guide-nous dans la divergence, guide-nous vers la vérité dans la divergence, car tu es celui qui guide vers la voie droite. فأقول إخوة الإسلام نصيحة الشيخ عبيد حفظه الله تضمنت 17 مأخذا على ما كتبه الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وسائر إخواننا السلفيين. آمين يا رب العالمين. دي فخيرنا الله عز وجل لكونسي دو الشيخ عبيد حفظه الله تعالى كونتيان 17 كريتيك. ها سي 17 كريتيك 17 كريتيك كافي الشيخ عبيد سور سيغتان ليفغ de Cheikh Al-Rais Hafidhahullah Ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre la vérité à Cheikh Abdelaziz Al-Rais et qu'il lui fasse voir la vérité, qu'il la suive, et qu'il lui fasse voir le faux et qu'il s'en éloigne, et nous aussi avec. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir la vérité et qu'on la suive, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir le faux et qu'il nous éloigne de ce faux. فستة مآخذ إخوة الإسلام كلها عن جماعة التبليغ ومنهجها وهي على كتاب الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ. Six critiques parmi les 17 critiques concernent la risala, le livre du Cheikh Abdel Aziz Al-Rais, le جماعة التبليغ et sa voix, hein? Et le livre s'intitule l'Imam ibn Taymiyyah et جماعة التبليغ. 8 de ces 17 critiques concernent l'écrit qu'a écrit, le livre qu'a écrit Cheikh Abdel Aziz Al-Rais, Hafidhahullah Ta'ala, qui est où, dans le titre, l'imam Albani et sa position vis-à-vis de l'Irja. Tamaniyat ma'akhid ala risalat l'imam Albani, ou mawkifu min al-Irja. Ma'akhid ala risalat l'adilla shar'iyya ala hukm anashid l'islamiyya. Et une critique concernera la risala, sur les preuves légiférées en ce qui concerne le jugement des anachides islamiques. Ma'khadain ala kitab qawa'id wa masa'il fi tawhid al-uluhiyya. Et deux critiques vont concerner un livre qui s'intitule Qawa'id et sujet au niveau du monothéisme de l'adoration. Ce qui fait 17 critiques. Nous en avons vu 7. Et nous allons continuer avec les 7. Wa Sheikh Ubaid كما مر سيرد على ما كتبه الشيخ عبد العزيز الرئيس وإن شاء الله سنقوم كذلك بترجمة ما يرد به سماحة الوالد. والعلماء إخوة الإسلام لا يزالون يرد بعضهم على بعض خطأهم Et frère Allah Azza wa Jal, quand Cheikh Obey aura fait écrit la réplique qu'il prépare à la réponse de Cheikh Abdelaziz, reste, nous allons la traduire aussi. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que les hommes de science ne cessent de se faire les répliques les uns les autres et de rejeter les erreurs des uns, etc. Et wa qulu lil ikhwa iqra'u نصيحة العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله للعلامة الشيخ العباد حول كتابه رفقا أهل السنة بأهل السنة ففيه من القواعد التي ستبصركم إن شاء الله بأشياء مهمة في المنهج ولعلها تفيدكم في هذه الفترة في هذه الفترة بالذات وفيها من حسن الأدب وحسن المعاملة وحسن الخطاب ما الله به عليم ها وهذا دأب علمائنا أما سمعتم بالردود التي كانت بين الشيخ الألباني والشيخ تويجري وكيف كان الشيخ تويجري حفظه الله تعالى عندما يأتي الألباني إلى الرياض يستقبله في بيته ولا يتكلم أمامه ويقدمه للتدريس فلنتأسى بأخلاق علمائنا فهنا الله عز وجل et les hommes de science n'ont cessé depuis l'aube de l'islam, de répliquer et de rejeter les erreurs des uns et des autres. Et je dis à mes frères et à mes sœurs, lisez, si vous avez l'arabe, lisez le conseil de son éminent Cheikh Ahmed Najmi Klas, le couvre de sa sainte miséricorde. Ce conseil qu'il a prodigué à son éminence Cheikh Al-Abbad, quand il a écrit son livre, doucement les gens de la Sunna, soyez doux avec les gens de la Sunna. Dans cette risale et dans cette nasiha qu'il a écrit Cheikh Ahmed Najmi, il y a des règles qui vont nous donner la clairvoyance, inshallah, sur des points essentiels de notre voie. Et cette risale et cette nasiha de Cheikh Ahmed, à cette époque, maintenant, en ce moment-là, qu'il y a cette zizanie entre les frères, va être bénéfique pour beaucoup parmi nous, parce qu'on y apprend beaucoup de comportements. Comment les savants se conduisaient entre eux, comment ils s'adressaient les uns aux autres, au lieu d'entendre tout ce que nous entendons maintenant. Et presque certains vont venir au point. C'est comme si il y a une guerre de gang. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afia. N'avez-vous pas entendu des répliques qu'il y a eu pendant plusieurs années entre Cheikh l'Albani rahimahullah et Cheikh Twijri rahimahullah alayhim jami'an. Et pourtant quand Cheikh l'Albani arrive à Riyad, Cheikh Twijri l'accueille chez lui, lui laisse la place de l'enseignement et il le présente aux gens. Et si quelqu'un osait juste insinuer quelque chose sur Cheikh Al-Albani et Cheikh Twijri rahimahullah, il le sortit de l'assise. Nous devons apprendre le comportement de nos hommes de science, Khouat al-Islam. Et quand les hommes de science répliquent, c'est des hommes de science, ils ont, ils maîtrisent la science, donc ils font quand ils voient une erreur, ils attirent l'attention sur les erreurs. Et nous ne devons pas les critiquer et certains les insultent et ainsi de suite. فيقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى الملحوظة السابعة قلت في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء لا يوجد رقم تبع وتاريخها كما هو مدون في فارسة مكتبة الملك فهد الوطني عام 1423 هجرية عن دار الهجرة للنشر والتوزيع صفحة 7 الحاشية تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه إن عموم هذا الحديث تدخل فيه أعمال القلوب فهل من قائل به آخذا بهذا العموم فإن قيل خصص الإجماع أعمال القلوب فكذلك يقال في جنس أعمال الجوارح مثلا بمثل Et la septième critique, Cheikh Obeid, de dire, tu as dit dans ton livre, l'imam al-Albani, et ses positions, et sa position vis-à-vis de l'Irja. Et dans ce livre, ne porte aucun, il n'y a pas le numéro de l'édition. Mais la date de ce livre, c'est comme il est dans le sommaire de la librairie nationale du roi Fahd, en l'an 1423 de l'Hégire. Édité par Dar al-Hijra. Et à la page 7, en bas de la page, tu commentes le hadith d'Abi Saïd al-Khudri et tu mets petit a. Les actes des cœurs rentrent dans la généralité de ce hadith Est-ce que quelqu'un l'a pris dans ce sens général? Ici, on dit, le consensus a fait la particularité des actes du cœur. Ainsi, on dira concernant la nature des œuvres des membres du corps. La même chose doit être dite pour les actes des membres. Al-Malhoud, la critique d'El Cheikh, il dit, Cheikh Obeid, il dit concernant ce septième point, cette septième remarque. أين ذهبت عما قرره المحققون من أهل العلم من أن المراد أعمال الجوارح كما هو مصرح به في أحاديث أخرى أن أصل الإيمان موجود فيهم مع تفاوتهم فيه ومنها أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذي نار مثقال ذرة إلى أن قال من كان في قلبه مثقال ذرة وحديث الجهنميين وفيه قد امتحشوا إلا موضع سجودهم فمن قال بما قلت من السلف. La critique du Cheikh Obeid concernant cette septième remarque, il dit « Où tu es par rapport à ce qu'ont confirmé les authentificateurs parmi les hommes de la science ?» Que ce qui évolue, ce sont les actes des membres, comme c'est déclaré clairement dans d'autres hadiths, comme quoi ils ont le fondement de la foi, avec une différence entre eux dans ce fondement de la foi. Fait partie de ces hadiths, sorti du feu de l'enfer, celui qui a dans son cœur le poids d'un dinar. C'est-à-dire deux fois. Le poids d'un atome, deux fois. Jusqu'à ce qu'il a dit le poids d'un atome. Et le hadith des Jahannamiyin, c'est-à-dire des gens de l'enfer, qui dit ils sont devenus noirs sauf les parties de leur prosternation. Qui a dit ce que tu as dit parmi les salafs? يقول الشيخ حفظه الله تعالى الملحوظة الثامنة قلت في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبعة المشار إليها آنفا صفحة 8 الحاشية تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري با أن الاستدلال بهذا الحديث من باب الاستدلال بالأمور المحتملات والاحتمال إذا توارد على دليل بطل الاستدلال به. La huitième remarque que fait Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala, il dit, tu as dit dans ton livre l'imam al-Albani ses positions au niveau de l'Irja, la même édition, à la page 8, au bas de la page commentant le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, commentaire B. Le fait de prendre ce hadith comme preuve, c'est utiliser une preuve qui peut avoir plusieurs significations. Et quand on est en face de preuves qui portent plusieurs sens, les prendre comme preuve est faux. Et de l'utiliser, ça nulle. Utiliser les preuves qui ont plusieurs significations, qui sont supposées avoir beaucoup de significations, il n'y a pas lieu à les prendre comme preuve. Et que c'est faux, le fait de les prendre comme preuve. الملحوظ يلزم من قاعدتك المطلقة هذه أن لا دليل يصلح من النصوص لأن كل فريق يرى أن أدلة الفريق الآخر محتملة فهل ترى أنت أنه لا دليل إلا في الإجماع ولا يعول على النصوص نعيذك بالله من ذلك فإن أكثر الأحكام الشرعية ليس فيها دليل إلا النص فانظر بإمعان وبصيرة ومراجعة لكلام السلف يظهر لك أن هذه القاعدة غير مسلمة مطلقة. Et la critique du Cheikh Obeid concernant cette huitième remarque, ta règle, dans son sens large du terme, implique qu'il n'y a pas de texte bon pour prendre comme preuve. Car chaque partie va dire que les preuves de l'autre partie ont d'autres significations. Est-ce que tu vois que la preuve n'existe que dans le consensus et qu'on ne prend pas en considération les textes? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de cette voie-là. Car beaucoup de jugements de la législation, leur preuve c'est tout simplement les textes. et cherche de lui dire, regarde avec clairvoyance, et révise les paroles d'El Salaf, il va t'apparaître que cette règle, hein, que cette règle, dans son sens large, n'est pas bonne. الملحوظة التاسعة قلت في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبعات المشار إليها سابقا صفحة 46 الحاشية ومما يجعل الإنسان يجزم بأن مراد الشيخ زيادة على السابق واللاحق من كلامه أن كلامه في تكفير الساب والمستهزئ كثيرا كما سبق نقل بعضه وكلام العالم يفسر بعضه بعضا. La neuvième remarque que lui a trouvé cher dans son livre, il lui dit, tu as dit dans ton livre, l'imam Albani, et sa position vis-à-vis de l'Irja, la même édition, à la page 46, en bas de la page, et ce qui donne la certitude que ce qui est voulu par cher, c'est qu'en plus du début, et de la fin de sa parole concerne la mécréance de celui qui insulte et se moque beaucoup. Et la parole des hommes de science, une parole va expliquer l'autre. يقول الشيخ عبيد الملحوظ أول من عرفت عنه هذه القاعدة حسب علمنا هو أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري نزيل مأرب ومراده من ذلك عند التأمل هو تسويغ البدع والدب عن أهلها وتحرير المقال في هذه المسألة أن كلام العالم السلفي له أحوال. Et la critique qui met sur Obeid concernant cette neuvième remarque, il dit là, le premier auquel, chez qui on a connu cette règle, selon notre savoir, c'est Abu al-Hassan Mustafa ibn Ismail, l'Égyptien qui habite à Ma'rib. Et il a voulu par cette règle, quand on la médite, c'est que défendre les gens de l'innovation et permettre les innovations. Et l'authentification à ce niveau-là, c'est que la parole de l'homme de science, Salafi, il a des situations. إحداها ما كان صحيحا بموافقة نص أو إجماع فهذا مقبول. La première des situations des paroles des hommes de science salafi, c'est que la parole contre la parole était authentique et conforme au texte et au consensus, cette parole il est acceptée. ثانيها ما كان خطأ مخالفا للدليل من نص أو إجماع فهذا مردود مع حفظ كرامته وصيانة عرضه. Deuxièmement, ce qui est une erreur et ce qui est dans les paroles d'hommes de science une erreur, en divergence avec la preuve, en divergence avec un texte ou avec un consensus, ceci est à rejeter, tout en préservant l'honneur de l'homme de science. ثالثها ما كان مخالفا لما هو معلوم من أصوله في تقرير السنة ورد البدعة فيرد إلى تلك الأصول. Troisième situation à utiliser en face de la parole d'un homme de science, c'est que la parole qui est en divergence à ce qui est connu chez cet homme de science dans ses fondements et dans l'approbation de la sunna et dans la réplique à l'innovation, on ramène cette parole vers les fondements qu'il a l'homme de science. رابعها ما كان يمكن رده إلى سباق الكلام ولحاقه فإن استقام لذلك وإلا رد. إلى quatrième position à voir en face de la parole d'homme de science, il faut prendre le contexte de la parole au début et à la fin. Prendre le contexte de la parole du début et de la fin aussi. Et si la parole est conforme, sinon, s'il n'est pas conforme, ben il est rejeté. خامسها أن يكون له في المسألة قولان أخطأ في أحدهما وأصاب في الآخر فيقبل منهما ما كان صوابا ويرد الآخر. Cinquièmement, la cinquième position à avoir en face de la parole de l'homme de science, c'est que dans le sujet il a deux paroles. Un certain sujet de la religion, il a deux paroles. Il est tombé, il a fait une erreur dans une position et il a vrai dans notre position. Ben on accepte ce qui est vrai et on rejette le reste. يقول الشيخ مخاطبا الشيخ عبد العزيز الرئيس فلماذا لم تحرر هذا التحرير أم أنت رضيت أن تتابع أبا الحسن الذي بان بالدليل أنه قطبي محترق. Et cher de dire à cher Abdelaziz Ar-Rais, pourquoi tu n'as pas détaillé ce sujet comme ça? Ou alors tu as accepté de suivre Abel Hassan qui est apparu avec les preuves que c'est un Qutbi. الملحوظة العاشرة قلت في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبعة المشار إليها سابقا صفحة 47 ما نصه والأعمال إن دلت على كفر الباطل فهي كفر وإلا لم تكن كفرا لا ديزيام Remarque fait Cheikh, il dit, tu as dit dans ton livre, l'imam al-Albani, et ses positions vis-à-vis de l'Irja, la même édition que nous avons citée à la page 74, tu as dit ceci, et les actes quand ils preuvent la mécréance de l'intérieur, c'est-à-dire la mécréance des cœurs, enfin, c'est de la mécréance. Et si ils le prouvent pas, ben, ce n'est pas de la mécréance. Al-Malhoud, Alif, min aina laka hadi al-qa'ida? ومن سبقك إليها من السلف ذلك أنك خالفت القاعدة المقررة لدى أهل العلم والإيمان وتتألف من فرعين La première remarque du Cheikh Petit A D'où tu as eu cette règle et qui t'a devancé parmi les plus aïeuls dans cette règle parce que tu es en divergence avec la règle qui est connue, qui est confirmée par les hommes de science et de la foi qui se compose de deux qui se compose de deux branches. أولهما أن الحكم على القول أو الفعل ينظر فيه إلى دلالة الشرع. فما دل عليه الشرع أنه كفر أو فسق أو بدعة حكموا على ذلك القول والعمل كذلك. Premièrement, c'est que le jugement d'une parole ou d'un acte on regarde aux preuves de la législation. Si la législation prouve que c'est de la mécréance, ou de la perversité, ou de l'innovation, ben les hommes de science le jugent ainsi, on juge cette parole, ou cet acte ainsi. والثاني انطباق الوصف على المعين الذي صدر منه ذلك القول أو الفعل وانطباق الوصف على ذلك المعين هو باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. Le deuxième point, la deuxième branche, c'est que cette description doit correspondre et être conforme à cet individu bien précis. Hein? Cette description de la mécréance doit être conforme à tel individu, à un individu bien précis qui a dit cette parole ou cet acte. Et pour que cette description de la mécréance soit conforme chez un individu, il faut qu'il y ait deux choses qui se réunissent. Il faut qu'il y ait l'union des conditions et que les obstacles s'anéantissent, qu'il n'y ait plus d'obstacles. Qu'il y ait la réunion des conditions et pour qu'il soit décrété mécréant et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté ou il n'y ait aucun obstacle pour le rendre mécréant. يقول الشيخ حفظه الله فيتلخص من تقرير ما سبق أن الأصل في من أظهر كفرا أو فسقا أو بدعة الحكم عليه بما أظهره إلا حين يوجد مانع أو يتخلف شرط راجع في ذلك إن شئت القواعد المثلى للعلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. Et Cheikh de dire, Habibullah Ta'ala, Cheikh Obeid, terminons ce commentaire, il dit, et en résumé, ce qui est conforme, et pour résumer les deux points, les deux branches qui sont passées, l'origine dont la personne qui a fait apparaître une mécréance, ou une perversité, ou une innovation, c'est pour le juger comme tel, on le juge comme tel quand il n'y a plus d'obstacles qui empêchent de le décréter comme mécréant et quand les conditions sont réunies. Mais si il n'y a pas de conditions et les obstacles ne sont pas anéantis, ben il ne pourra pas être jugé ainsi. Mais sinon, quand quelqu'un fait apparaître la mécréance, comme il en sort de la parole du Cheikh Obeid, et fait apparaître la perversité ou l'innovation, il va être jugé par rapport à ce qu'il fait apparaître. Sauf s'il y a un empêchement pour le juger ainsi, ou sauf s'il y a les conditions ne sont pas réunies. Et il cherche de dire, révise si tu veux les règles, les nobles règles, les sublimes règles de Cheikh Al-Uthaymin, Hafidhahullah Ta'ala, Al-Qawa'id Al-Muthla. Bah, خالفت النصوص من السنة المستفيضة إن لم تكن متوارثة والتي دلت على أن بناء الحكم على الظاهر من الأقوال والأعمال وهك بعضها. Petit B, cher de lui dire, tu es en divergence avec les textes de la Sunna, qui sont des textes mutawatir, c'est-à-dire rapportés par plusieurs rapporteurs, et les textes sont nombreux, qui prouvent que le jugement s'applique à l'apparence des actes, hein, et de la parole, à l'apparence des actes et de la parole. Et voici certains textes. قال صلى الله عليه وسلم ويحك أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك زاجرا لرجل قال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله. Il lui cite une des preuves, il lui dit malheur, le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit malheur à toi, est-ce que tu m'as mis équivalent à Allah, dis ce que veut Allah tout seul. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, hein, sévèrement, à l'homme qui lui a dit ce que veut Allah et ce que tu veux, ya Rasulallah. Il lui a répliqué sévèrement, est-ce que tu m'as mis, malheur à toi, est-ce que tu m'as mis comme équivalent à Allah? Dis tout simplement ce que veut Allah seulement. Wa amara sallallahu alayhi wa sallam man halafa billati wal uzza an yaqula la ilaha illallah. Et il a ordonné à celui qui a juré, qui a fait le serment avec Lat et l'Uzza, de dire لا إله إلا الله والشاهد من الخبرين أنه لم يسأل كلا الرجلين عما يريد. Et le témoignage dans ces deux textes, cher de nous dire, c'est parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à ces hommes, à ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'aura pas demandé ce qui est dans leur intérieur, qu'est-ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont dit. الملحوظة الحادية عشر قلت في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبعة المشار إليها سابقا صفحة 51 ما نصه. الشبهة الرابعة أنه لا يكفر بالصلاة ومن قال بذلك دخلت عليه شبهة الإرجاء وكونه لا يكفر بترك الصلاة صحيح لكن الباطل والضلال اتهام من لا يكفر بترك الصلاة بأن شبهة الإرجاء دخلت عليه وقد سبق أن القول بعدم كفر تارك الصلاة قول لأهل السنة. La neuvième remarque que fait Cheikh, il dit, tu as dit dans ton livre l'imam al-Albani et sa position vis-à-vis de l'Irja. La même édition, page 51. La quatrième ambiguïté, que Cheikh ne rompt pas mes crayons avec la prière. Et celui qui dit ceci, ben il s'immiscer dans son esprit l'ambiguïté de l'Irja. Et le fait qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière est vrai. Mais le faux et l'égarement, c'est d'accuser quelqu'un qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, comme quoi il a une ambiguïté de l'irja. Et auparavant, nous avons avancé la parole comme quoi le fait de ne pas rendre mécréant celui qui délaisse la prière, qui abandonne la prière, c'est l'une des paroles des gens de la sunna. الملحوظ ألف يقول الشيخ عبيد لا بروميير كريتيك ا قولك في سياق الشبهة الرابعة ما كتبت لا يكفر بالصلاة خطأ بين وظاهر والصواب لا يكفر بترك الصلاة. الشيخ دو دي حفظه الله تعالى بروميير كريتيك ا لو فيت كو تو ديز دون Quand tu as ramené la quatrième ambiguïté, dans le contexte de l'ambiguïté que tu as écrit, « Ils ne rompent pas mes crayons avec la prière », ceci est une erreur qui est claire. Et le juste, c'est que tu dises « Ils ne rompent pas mes crayons avec l'abandon de la prière ». « Ba, hali shaykh al-albani la yukafiru bitarki salati mutlaqan »« Ou annahu la yukafiru man taraka salata kasalan wa tahawunan ma'a iqrarihi bi wujubiha »« Hada ma lam tubayinhu » B. Est-ce que Cheikh Al-Albani ne rompt pas mécréant celui qui délaisse la prière au sens large du terme comme ça? Ou alors il ne rompt pas mécréant celui qui délaisse la prière par fainéantise et par négligence, tout en confirmant l'obligation de la prière? Et ceci, tu n'as pas attiré l'attention là-dessus. Jim, qawluka, waqad sabaqa, القول بأن القول بعدم كفر تارك الصلاة قول لأهل السنة، هذا من زلة القول منك، فإن أهل السنة أجمعوا على كفر تارك الصلاة جحودا إذا كان يعلم ذلك، وإنما اختلفوا في من تركها تهاونا مع الإقرار بوجوبها وفرضيتها، فالجمهور على تفسيقه وغيرهم على تكفيره، فما أرويت الغليل في هذه المسألة وما شفيت العليل بترك التفصيل. سي كنت دي Cheikh Ubayd dit, pour ta parole, concernant ta parole, que le fait de ne pas rendre mécréant celui qui abandonne la prière est l'une des paroles des gens de la Sunna, ça c'est une erreur de ta part, car les gens de la Sunna sont unanimes sur la mécréance de celui qui... Ils sont unanimes sur la mécréance de celui qui délaisse la prière en rejetant l'obligation, en reconnaissant pas l'obligation de la prière quand il le sait. Mais ils sont, c'est-à-dire que celui qui dit la prière n'est pas obligatoire, il la délaisse et il dit qu'il n'est pas obligatoire, cela, il n'y a pas de divergence chez les hommes de science, ils le rendent mécréant. Mais ils sont en divergence tout simplement dans celui qui délaisse, qui abandonne la prière par fainéantise et par laxisme, tout en confirmant que la prière est obligatoire. La majorité des hommes de science est sur le fait qu'il est pervers et d'autres le rendent mécréant. Et tu n'as pas assouvi la soif à ce niveau-là. Et tu n'as pas détaillé. Le fait que tu n'as pas détaillé, tu n'as pas assouvi notre soif. Tu n'as pas assouvi la soif. Al-Malhouda fi al-Taniyatu Ashar. قولك في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبع المشار إليها سابقا. صفحة 52 ما نصه الشبهة الخامسة أنه لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح ونسبة هذا القول إليه ثابت فقد قرره في بعض محاضراته وفي كتاب حكم تارك الصلاة إذ قال الأعمال شرط كمال وهذه زلة خطيرة وكبوة كبيرة لكن ليس كل من خالف معتقد السنة في شيء صار مبتدعا خارجا عنهم La deuxième critique, la deuxième remarque qu'a fait Cheikh concernant le livre de, il concerne le livre, l'imam al-Albani et sa position vis-à-vis de l'Arja, toujours la même édition, à la page 52, où il est dit, la cinquième ambiguïté, ils n'auront pas mécréants avec le fait de délaisser la nature des actes du membre du corps. Et le fait d'attribuer cette parole à Cheikh al-Albani, il est confirmé, car il l'a confirmé dans certaines de ses conférences et dans son livre « L'abandon de la prière » où il a dit « Les actes sont une condition pour que la foi soit complète ». Et ça, c'est une glissade et c'est une erreur, mais pas tout un chacun qui est en divergence avec les croyances des gens de la Sunna devient innovateur et sort de la Sunna. Maintenant la critique du Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala concernant cette cinquième ambiguïté. Alif, al-Malhoud, Alif, قولك الشبهة الخامسة لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح ينقضه قولك ونسبة هذا القول إليه ثابت فقد قرره إذ لم تكن بهذا التقرير شبهة إيه Premier petit A, le fait que tu dis la cinquième ambiguïté, ils n'auront pas mécréants avec la nature des actes des membres du corps, ceci est en contradiction avec ta parole et ceci et cette parole lui est attribuée et confirmée, car lui-même il la confirme. Donc s'il la confirme, ben, ce n'est plus une shubha. S'il la confirme, ben ce n'est plus une shubha. فكيف تقول هنا شبهة؟ Et comment tu dis ici une ambiguïté؟ وقد قلت في صفحة 2 من مقدمتك للكتاب نفسه. فما بين يديك أيها القارئ الكريم براهن مبينات في بيان أن العلامة المجدد المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بريء من كونه مرجئا براءة الذئب من دم يوسف وبراءة أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضوان الله المجمعين مما قذفها به الخاطئون. Donc, comment tu dis que ici que c'est une souba, alors qu'auparavant, à la page 2, dans l'introduction de ce même livre, tu as dit, entre tes mains, toi le lecteur, le noble lecteur, des preuves claires qui te montrent que son éminence, le revivificateur, le muhaddith, Muhammad Nasr Din Albani, rahimahullah, est innocent. Il n'est pas mangé. Il est innocent de l'irja comme est innocent le loup du sang de Yusuf alayhi salam. Et comme tu es innocente et innocente notre mère, la mère des croyantes, la véridique, fille du véridique, Aïcha bintu Abi Bakr radhiyallahu anhu ajma'in, de la calomnie que lui ont fait, hein, ceux qui l'ont calomnié. Bah, الملخص أنك تناقضت في تقريرنا في الإرجاء عن الشيخ الألباني إذ قلت ما تقدم نقله قريبا ثم خلصت إلى تبوت أنه لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح فقلت ونسبة هذا القول إليه ثابت فمرة تقول بريء ومرة تقول شبهة ومرة تقول بصحة نسبتي إليه فكيف كانت شبهة إذا كان القول صحيحا إذ الشبهة ليست لها حقيقة صحيحة فتأمل. Et B, la remarque B, en résumé, tu es en contradiction dans le fait d'approuver la négation, dans le fait d'innocenter Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi al-irja. Parce que tu as dit, dans ce que tu as dit à l'instant, et après tu as été vers le fait de confirmer comme quoi ils n'auront pas mécréant avec le fait de délaisser la nature des actes des membres du corps. Et tu as dit après, et le fait de lui attribuer cette parole, il est confirmé. Une fois tu dis il est innocent, c'est-à-dire il est innocent de l'arja, et une fois tu dis une ambiguïté, et une fois tu dis que la parole il est authentique, Cheikh Nasr l'a dit. Comment il peut être une ambiguïté? Et si la parole est authentique, comment il peut être une ambiguïté? Car la Shubha n'est pas une réalité authentique. Médite. Jim. من أراد أن ينصف الشيخ الألباني رحمه الله ويبرئه من الإرجاء فليراجع قوله في كتابه الذب الأحمر عن مسند الإمام أحمد نشر دار الصديق الجبيل توزيع مؤسسة الريان بيروت الطبعة الأولى عام 1420 هجرية سنة 1999 ميلادية حيث قال منتصرا ورادا على الهاشمي ما نصه شيخ عبيد دير C'est celui qui veut être équitable avec Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala et qui veut l'innocenté de l'irja, qu'il révise son livre et sa parole dans son livre, la défense louable du Musnad de l'imam Ahmed qui a été édité par la maison d'Ars Diq al-Jubayl et qui est distribué par Mouassassat al-Riyan, l'Institut al-Riyan à Beyrouth. L'édition a été, la première édition s'est faite au long 1420 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1999 de la chrétienne, où dans ce livre il a dit faisons triompher la parole d'El Salaf et répliquons Al-Hashimi, il a dit ceci حيث قال منتصرا ورادا على الهاشمي ما نصه فأقول يبدو لي والله أعلم من مجموع كلامه المتقدم بصورة عامة ومن قوله في هذه الفقرة بصورة خاصة أن الرجل حنفي المذهب ما تريد المعتقد. ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان، وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا ما عدا الحنفية، فإنهم لا يزالون يصرون على المخالفة، بل إنهم لا يصرحون بإنكار ذلك عليهم، حتى إن منهم من صرح بأن ذلك ردة وكفر والعياذ بالله تعالى. فقد جاء في باب الكراهية من البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ما نصه في المجلد الثامن صفحة 205، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندنا ليس من الأعمال. إيه شيخ عبيد دون سيتي لي بارول دو شيخ ها certaines paroles de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh qui vont l'innocenté de l'irja et qui l'innocent sur l'irja et qui prouve qu'il est sur la voie de ne plus être de Allah alayh. Et la parole de Cheikh Nasser dit, et je dis, il m'apparaît, sauf Allah sait, de l'ensemble de la parole, de sa parole, et de la parole de l'Hashimi, de sa parole qu'il a avancée en général, et dans ce passage en particulier, que l'homme est un Hanafi au niveau de l'école de jurisprudence. Et il est maturidi au niveau des croyances. Et ce qui est connu, c'est qu'ils ne disent pas avec ce qui est dans le livre et dans la sunna et dans les preuves des compagnons, dans la déclaration comme quoi la foi augmente et diminue et que les actes font partie de la foi. Et ça, c'est la voie sur laquelle sont la majorité des hommes de science parmi les aïeuls et parmi ceux qui leur ont succédé sur cette voie-là, sauf les Hanafis, car ils s'entêtent toujours. Ils ne cessent de diverger et ils le déclarent et ils blâment ceux qui leur répliquent à ce point-là, jusqu'à tel point que certains parmi eux déclarent que c'est une ridda, c'est une apostasie, une mécréance, wal'iyadu billah, de le fait de dire que la foi augmente et diminue. Et il a été rapporté dans Bab al-Karahiyah de l'Bahar Ra'iq d'Ibn Nujim al-Hanafi, tome 8, page 205, la foi n'augmente pas et ne diminue pas, car la foi chez nous ne fait pas partie des œuvres. وقال في باب أحكام المرتدين المجلد الخامس صفحة 129 إلى 131 ما نصه، فيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به، فيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسمائه، ثم سرد مكفرات كثيرة، ثم قال وبقوله الإيمان يزيد وينقص. Et toujours Cheikh Al-Albani, dans son livre La défense louable du Musnad de l'Imam Ahmed, il rapporte, et dans le livre Ahkam al-Murtaddin, le jugement des apostats, au tome 5, entre la page 129 et 131, le texte. Et il devient mécréant celui qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il ne sait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se moque des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité certaines choses qui rendent mécréants, beaucoup de choses qui rendent mécréants. Et il a dit après, l'iman, la foi, n'augmente pas et ne diminue pas. Ça, c'est la parole que cite Cheikh Nasser pour la réfuter de Hanafi. وعلق رحمه الله على قول ابن نجيم الأول والذي فيه الإيمان ليس عندنا من الأعمال في الحاشية برقم واحد بقوله هذا يخالف صراحة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله الحديث أخرجه البخاري وغيره وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في الترغيب في المجلد الثاني صفحة 107. Et Cheikh Nasser, rahmatullahi alayh, comme le cite Cheikh Al-Albani, Cheikh Ubaid ici, a commenté la parole d'Ibn Najim al-Hanafi, la première parole où il a dit l'iman ne fait pas chez nous ne fait pas partie des actes. Il a fait un commentaire en bas de la page en la notant par le numéro 1 en disant, et ceci est une divergence claire avec le hadith d'Abi Huraira, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé qui est la meilleure des œuvres, il a dit une foi en Allah, azzawajal, la foi en Allah, et on se messager jusqu'à la fin du hadith, rapporté par l'imam Bukhari et par d'autres, et dans le sens de ce hadith, il y a d'autres hadiths que tu trouveras dans Targhib, au tome 2, à la page 107. يقول والكلام دائما للشيخ الألباني وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وجه كون الإيمان من الأعمال وأنه يزيد وينقص بما لا مزيد عليه في كتابه الإيمان فليراجع من شاء البسط il dit حفظه الله تعالى toujours les paroles sont à شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه il dit شيخ الإسلام a détaillé dans son livre l'Iman comme quoi l'Iman fait partie des actes, et qu'il augmente et qu'il diminue. Et il a dit dans son livre, l'Iman du Cheikh l'Islam de Taymiyyah, il n'y a rien à rajouter, il est détaillé d'un grand détail, qu'on revient vers ça pour trouver le détail. Aqoul, ou al-Kalam li, Cheikh, محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أقول هذا ما كنت كتبته منذ أكثر من 20 عاما مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والناشئة الصغار فيرموننا بالإرجاء فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة Et toujours les paroles à Cheikh Nasr, rahmatullah alayhi, dit, c'est ce que j'ai écrit il y a plus de 20 ans, confirmant la voix d'El Salaf et les croyances des gens de la Sunna et la louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne les sujets de la voix. Et maintenant arrivent certains ignorants, certains petits qui viennent de commencer et certains novices, et ils nous traitent et ils nous accusent d'être manger et de nous attribuer l'irja et nous nous plaignons à Allah subhanahu wa ta'ala de la mauvaise situation dans laquelle ils sont, de la mauvaise situation de l'égarement et de l'ignorance dans laquelle ils sont. Wa yaqulu al-shaykh Ubayd علما بأن الشيخ الألباني رحمه الله كتب الكتاب جوابا عن طلب سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عام 1406 للهجرة وعلق عليه بما تقدم وطبع الكتاب بعد وفاة الإمام عبد العزيز بن باز إيه Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, de nous dire, en sachant que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a écrit le livre, en exauçant la demande de son éminence, l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, c'est-à-dire, Dabb al-Ahmar, la défense, louable de Mousnad Diel Imam Ahmed, celui qui lui a demandé de l'écrire chez Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qui l'a demandé à Al-Albani, rahimahullah, il lui a demandé au long 1406. Et, il l'a commenté avec ce qui est, c'est-à-dire Cheikh Nasr l'a commenté avec ce que tu viens d'entendre. وَطُبِعَ الْكِتَابَ بَعْدَ وَفَاتِ الْإِمَامِ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ Et le livre a été édité après la mort de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. وقدم الشيخ الألباني له مقدمة مؤرخة في سابع صفر 1420 أي بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز بعشرة أيام فقط Et le livre a été édité après la mort, 10 jours après la mort et le livre a été édité après la mort de son éminence Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala et Cheikh Nasr lui a fait une muqaddima qui porte la date le 7 Safar 1420 juste après la mort de Cheikh Ibn Baz, 10 jours après la mort de Cheikh Ibn Baz, tout simplement. وَهَذَا قَبْلَ كِتَابِكَ يَا أَخَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِتَلَاتِ سَنَوَاتِ Et ceci avant l'écriture de ton livre, 3 ans avant l'écriture de ton livre. C'est-à-dire de ton livre, Imam al-Albani, sa position vis-à-vis de l'Irja. فَلِمَادَ لَمْ تَكْتَفِي بِهِ وقد نقلته في صفحة 35-36 وهو آخر كلام الشيخ رحمه الله وعليه مات إن شاء الله تعالى. ولو فلو اقتصرت عليه لا رحت نفسك والقارئ من اللف والنشر المشوش الذي يخشى من جرائه أن تتهم. وأقل ما يقال إنه ليس عندك ضبط في تحرير المسائل. إيه puisque ce livre a été Cheikh Ubaid de dire à Cheikh Abdelaziz al-Rais, ce livre, frère Abdelaziz, a été édité 3 ans avant ton livre. Pourquoi il t'a pas suffi? Alors que de ce livre, tu as pris des certaines choses que tu as transcrites dans ton livre, l'imam al-Albani, la position d'Al-Arja, que tu as transcrit à la page 35 et 36. Et c'est les dernières paroles de Cheikh Nasser rahmatullah alayh, et c'est sur ça qu'il est mort, rahimahullah ta'ala, hein, inshallah. Et si tu t'es arrêté à ces paroles que tu as pris dans son livre, à la page, hein, que tu as cité à, dans ton livre 35-37, tu t'es reposé toi-même, et tu aurais reposé le lecteur, et il n'y aurait pas tous ces virages et toutes ces perturbations de laquelle il y a à craindre qu'on t'accuse. Il y a moindre des choses avec laquelle on va t'accuser, si que tu ne maîtrises pas les sujets. الملحوظة الثالثة عشر قولك في كتاب الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبعة المشار إليها صفحة 60 ما نصه. أولا قد تقدم فيما نقلت من كلام الشيخ وتقريراته أن الإيمان عنده قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان إلا أن العمل ليس ركنا من أركان الإيمان مع كونه واجبا من واجباته. La treizième critique, le fait que tu dis dans ton livre, l'imam al-Albani, sa position au niveau de l'Irja, la même édition, page 60, le texte dit ceci. Premièrement, dans ce que tu as pris de la parole de Cheikh et ses confirmations, tu as dit qu'il a dit la foi chez lui, c'est-à-dire chez Cheikh Nasser, c'est une parole, des actes et des croyances qui augmentent et qui diminuent. Et que les actes font partie de la foi, sauf que les actes ne sont pas un pilier parmi les piliers de la foi, alors ils sont tout simplement une des obligations de la foi. يقول الشيخ عبيد في الملحوظ أين قال هذا الألباني من أن العمل ليس ركنا من أركان الإيمان إذ ليس فيه ما تقرره هنا ثم هذا يخالف ما نقلته عنه من الدب الأحمد في صفحة 35-36 من أن يقرر أن العمل من الإيمان فما هذا التناقض؟ La critique dit Cheikh Nasser rahmatullah alayh, dit Cheikh Ubaid hafidhahullah ta'ala, où il a dit Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh que jamais les actes ne sont pas un pilier de la foi qui sont juste une obligation parmi les obligations. Où il l'a dit? Où les actes ne sont pas un des piliers parmi les piliers de la foi. Il n'y a rien. Tout ceci est en divergence avec ce que tu as pris comme parole de Cheikh Nasser de son livre Al-Dhabbul Ahmar que tu as transcrit directement dans ta page 35 et 36 de l'imam al-Albani face à l'Irja, sa position face à l'Irja. Et ces paroles que tu as transcrites, que tu as pris dans le livre d'Al-Albani confirment que les actes font partie de la foi. Donc ce que tu as pris de Cheikh Nasser, c'est un copié du livre de Cheikh Nasser, dans ses paroles, il confirme que les actes font partie de la foi. C'est quoi cette contradiction de Cheikh Ubaid Hafidhahullah Ta'ala? الملحوظة الرابعة عشر قولك في كتابك الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء الطبعة المشار إليها سابقا صفحة 69 ما نصه نداء للسلفيين أيها الإخوة السلفيون عقيدة ومنهجا إياكم وأن يغرر بكم الحزبيون فيضرب بعضكم بعضا ويرد بعضكم على بعض وكونوا يدا واحدة في قمع أهل الفساد. La quatorzième remarque que lui fait Cheikh Ubaid Hafidhahullah Ta'ala, il lui dit, quand tu as dit dans ton livre, l'imam al-Albani, et ses positions vis-à-vis de l'Irja, la même édition toujours, à la page 69, tu as dit ceci. À l'appel au Salafi, ô frères Salafi, dans l'aqida et dans la voix, faites attention, ne vous faites pas avoir par les hizbis, et que les hizbis ne vous montent pas les uns contre les autres, et que vous, vous faites la guerre entre vous, et que les uns répliquent aux autres, et soyez une seule main pour blâmer et anéantir les gens du mal. Al-Malhoud, نداءك وتحذيرك محتمل فإن كان المراد التحذير من رد الخطأ عموما فهذا انحراف عن منهج الحق وإن كان المراد بالرد الذي يقصد منه التشفي ولم يكن عن بينة وعلم فهذا يحذر ويحذر منه. La critique du Cheikh Obeid de dire par rapport à cette 14e remarque, il dit ton appel et ton avertissement il porte beaucoup de sens. S'il voulait avec avertir et répliquer et rejeter les erreurs en général, s'il voulait avec le fait d'avertir contre le fait de répliquer aux erreurs en général, ceci est une déviance de la voie de la vérité. Et s'il voulait avec la réplique avec laquelle on veut se moquer et on veut traîner quelqu'un dans la boue, et il n'est pas fait avec preuve ni avec science, ceci on avertit contre. Et on avertit contre ça. الملحوظة الخامسة عشر في مذكرتك المسمات الأدلة الشرعية في حكم الأجناشيد الإسلامية مصورة ومؤرخة في 1422 في 22 من الشهر الثالث من السنة 1422 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الفصل الثالث معنونا له ب الفصل الثالث بعض فتاوى العلماء المعاصرين. ذكرت ضمن هؤلاء العلماء ممن أفتى بتحريم بدعة الأناشيد الإسلامية، فقلت عاشرا شيخ الفاضل سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله فقد أرسل إلي مشكورا فتوى له بتحريم الأناشيد الملحنة على ألحان الأغاني، علما أنه أيضا نص على حرمة بعض الأناشيد بعينها كمثل أناشيد قضاء وقدر وأناشيد تصاريف القدر وأناشيد حي على الجهاد. لا كنزيام غمارك كف الشيخ حفظه الله تعالى يدي دون تمذكرة انتتولي لبروف دو لا لجيسلاسيون en ce qui concerne les anachides islamiques. Et c'est une photocopie qui porte la date le 22, le 3e mois de l'année de l'Hégère 1422. Troisième chapitre, le titre porte ceci. Certains fatwas de certains hommes de science contemporains. Et tu as cité parmi ces hommes de science, parmi ceux qui ont émis le verdict de, du fait qu'il n'est pas, qu'il est haram, qui interdisent, des fatwas qui interdisent l'innovation des anachides islamiques. Et tu as dit dixièmement, mon noble cher Sulaiman ibn Nasr al-Ilwan, qu'Allah le préserve. Il m'a envoyé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, sa fatwa dans laquelle il interdit l'anachide rythmé par des notes musicales, en sachant aussi qu'il a une fatwa sur l'interdiction de certains anachides bien particuliers, comme le nachide du décret du destin, et comme le nachide de Tasarif al-Qadar, et comme le nachide, hein, vive le jihad. Al-Malhoud, أما تعلم أن هذا الذي عددته في علماء العصر رجل تكفيري كما هو ظاهر في رسالته المسمات بوجوب تحكيم الكتاب والسنة، واستفاض واشتهر أمره بذلك، وقد أثنيت عليه وبجلته بقولك شيخ الفاضل حفظه الله، أفيحسن النقل عن مثل هذا وعده في علماء العصر؟ ألم تعلم أن هذا الكلام منك يعلق قلوب بعض القراء به ويحسنون الظن به كذلك؟ La critique concernant cette 15e remarque, il dit, ne sais-tu pas que celui que tu as cité parmi les hommes de science, c'est un homme tkfiri, et ceci est très clair dans sa risala, qui est intitulée l'obligation de faire, de juger avec le livre et la sunna. Et la situation de cet homme, il est clair, il est connu de tout le monde, et tu lui as fait de grandes éloges, et tu lui as dit, mon noble cher, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Est-ce que il sied à quelqu'un de prendre et de citer quelqu'un comme lui et de le considérer comme les hommes de science de notre époque? Ne sais-tu pas que les gens vont s'attacher à cet homme, que certains qui vont lire et certains lecteurs vont s'attacher à cet homme à cause de ce que tu as dit? Ils vont, hein, croire du bien en lui. Al-Malhoudatu Sadisatu Ashar. قولك في كتابك قواعد ومسائل في توحيد الإلهية الطبعة الأولى عام 1426 هجرية 2005 للميلاد ليس عليها اسم الناشر أو الطابع صفحة 55 ما نصه تنبيهات التنبيه الأول يستدل بعض أهل العلم على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه والظاهر أن الاستدلال بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيه نظر ذكره ابن تيمية فإن قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا يقتضي أنه شرع لنا وجوبا ولا استحبابا مثل هذه الاستغاثة بل ولا يقتضي الإباحة فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوما بل لعله كان ظالما وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك إلا أن قول ابن تيمية بل لعله كان ظالما لموسى قد خالفه لسيزيام غمق دو الشيخ عبيد حفظه الله تعالى دي دون تون ليفر غاقل السجي كونسيغنو المونوتيسم دو لادوغاسيون بروميير إديسيون باج 1426 دو لجير كي كورسبون 2005 دو لكريتيان اي يابا لنون دو سلوي دو لديتور باج 55 تي ادي سوسي التنبيه الأول تنبيهات هذه أثير الانتنسيون point très important التنبيه الأول le premier point auquel il faut faire très attention certains noms de sciences prennent comme preuve comme quoi il est permis de demander secours à une créature qui est capable en prenant comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et celui qui est de son parti lui a demandé secours contre celui qui est son ennemi. Et le fait de prendre ce verset comme preuve qu'il est permis de demander secours à une créature, il est à revoir. Ça, ce sont les paroles de Cheikh Abdelaziz Rez. Le fait de prendre ce verset comme quoi il est autorisé de demander secours à une créature, il est à revoir. Et il dit... Ceci est cité par Ibn Taymiyyah. Il dit, donc, quant à la parole d'Allah qui dit, et celui qui est de son groupe lui a demandé secours contre celui qui est son ennemi, ceci n'implique pas qu'il ne s'est légiféré, ni obligatoirement, ni préférablement, ce genre de demande de secours. Et cela n'implique pas comme quoi c'est autorisé. Car cet Israélite ne fait pas partie des gens qui peuvent être... les actes de cet Israélite ne peuvent pas être une preuve. Et il n'y a pas dans le verset comme quoi celui qui a demandé secours à Moussa, on a commis une injustice sur lui. Peut-être qu'il a été injuste et Moussa l'a secouru, il a tué son ennemi et il l'a regretté. Et la parole de Ibn Taymiyyah est de dire, peut-être que l'Israélite était injuste vis-à-vis de Moussa, et il a été en divergence avec. Yaqul al-Shaykh, al-Malhoudu ala hadha al-Kalam waqafat. Et Shaykh de nous dire, les critiques de ce passage sont comme ceci. Al-Oula. هذه الآية استدل بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان الاستغاثة الجائزة وهي استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه فتقريره رحمه الله مقيدا لا مطلقا ومراده رحمه الله الرد على من يجيز الاستغاثة بالمخلوق على وجه الإطلاق الشيخ la première critique il dit pour concernant ce passage il dit ce verset, Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelhab, rahmatullah alayhi, l'a pris comme preuve pour donner l'éclaircissement sur le fait de demander, que le fait de demander secours est autorisé et demander secours à une créature demande secours à une autre créature dans ce qu'il peut faire et donc l'approbation et la confirmation de Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahhab est conditionnée, il n'est pas au sens large du terme. Et ce qui est voulu par Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, c'est de répliquer à ceux qui disent qu'il est permis de demander secours à une créature dans le sens large du terme. Al-Taniya, تقريرك خطأ الاستدلال بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بقولك فيه نظر قد خالفت إجماع أهل العلم والإيمان وعرضت بكل من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ بن عتيمين والشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليهم كما في حاشيتك رقم 2 حيث قلت كما فعل الشيخ محمد بن الوهاب في كشف الشبهات والشيخ بن عتيمين في قول المفيد في المجلد الأول الصفحة 335 وسليمان بن عبد الله في التيسير صفحة 24 وهذا منك طعن في أفهام أئمة المعتبرين وهذا مسلك السفهاء أعداء الدعوة السلفية. Le deuxième point dans la critique de cette 16e remarque, c'est que tu as confirmé que le fait de prendre ce verset comme preuve est une erreur. Le fait de prendre ce verset comme preuve, comme quoi il est permis de demander secours à une créature dans ce qu'il peut, hein, tu as dit, il faut le revoir. Et ceci est une... Tu as confirmé comme quoi c'est une erreur de prendre ce verset comme preuve pour autoriser le fait de demander secours à quelqu'un qui peut. Et tu as dit, il faut revoir ceci. Et ainsi, tu as été en divergence avec le consensus des hommes de la foi et de la science. Et tu as dit, comme on fait, Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahhab, et Cheikh Ibn Uthaymeen, et Cheikh Sulaiman Ibn Abdillah, comme il est dans le bas de la page, au bas de la page de ton livre, le bas de la page numéro 2, où tu as dit, la page numéro 2, en bas de la page, tu as dit, comme a fait Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, donc Kashf al-Shubuhat, et Cheikh Ibn Uthaymeen fi Qawl al-Mufid, tome 1, 335, et Sulaiman Ibn Abdillah fi Taysir, page 29. Et ça, de ta part, c'est une critique, c'est un dénigrement de la compréhension de ces imams considérés. Et ça, c'est la voix des insensés, les ennemis de la da'wah salafia. At-talithatu. الثالثة استشهادك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ وذلك أن شيخ الإسلام استدل بالآية السابقة ردا على البكري وأمثاله ممن يجيز الاستغاثة بالمخلوق مطلقا حيا وميتا لا على نفي الاستغاثة الجائزة. Troisièmement, le fait que tu as pris comme parole les paroles comme témoignage les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah est une erreur. Car Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah prend comme preuve ce verset pour répliquer Al-Bakri et le genre de et ceux qui sont dans la même voie que lui qui permettent le fait de demander secours à un être humain dans le sens large du terme, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, et non pas Et Cheikh ne l'a pas utilisé pour interdire là le fait de demander secours, les autoriser. Et de le demander à quelqu'un qui peut. الملحوظة السابعة عشر قولك في كتابك قواعد ومسائل في توحيد الإلهية الطبعة المشار إليها سابقا صفحة 147-175 بعد نقلك عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شروط لا إله إلا الله حصر هذه الشروط في السبعة فيه نظر بل هي تزيد على هذا العدد إذ يقال ما الدليل على حصرها في السبعة فإن قيل لأنها هناك أدلة دلت عليها فيقال إن كنتم تدلدون أدلة خاصة متعلقة بلا إله إلا الله فإنها لا توجد إلا في أربعة منها إلى أن قلت لذا لا بد من إعادة النظر في هذه الشروط من جهتين La 17e remarque quand tu dis dans ton livre règles et sujets concernant le monothéisme de l'adoration la même édition à la page 174-175 après que tu as transcrit les paroles de Cheikh Abdelrahman ibn Hassan concernant les conditions de la ilaha illallah. Tu as dit, le fait d'arrêter les conditions de la ilaha illallah en 7, il faut le revoir. Tu as dit, ils sont plus que ce nombre 7. Et il est dit, c'est quoi la preuve pour les arrêter à 7 conditions? Et si on dit que dans ces cas-là, il y a des preuves qui le prouvent, on vous dit, si vous voulez des preuves particulières et ne concernant que la ilaha illallah, ben ces preuves ne se trouvent que dans 4 des conditions. Jusqu'à ce que tu dis, c'est pour ça qu'il est obligatoire et qu'il est important de revoir ces conditions. De 2 cas de figure, il faut les revoir. L'oula, hasruha fi sab'a. وأن الأصح أن يقال كل عمل قلبي تركه كفر فهو من شروطها وأشار لهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذ قال وقد تقدم أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود انتقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله فقوله رحمه الله منها دليل على عدم الحصر بل وزاد ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله La première, c'est-à-dire comme quoi il faut revoir les conditions de la ilaha illallah. Et ceci se fait en prenant en considération 2 points. Le premier point, c'est le fait d'avoir toujours les paroles sont à Abdelaziz al-Rais, Abdallah. C'est que le fait d'arrêter les conditions à 7, mais ce qu'il faut dire, c'est que, et la parole la plus forte, c'est que tout acte du cœur délaissé qui rend mécréant, tout acte du cœur qu'on délaisse et qui rend mécréant est une des conditions de la ilaha illallah. Et tu as dit, et ce jour les paroles à Cheikh Abdelaziz al-Rais, et tu as dit que Cheikh Abdelrahman ibn Hassan a attiré l'attention sur ceci quand il a dit comme il est avancé auparavant que la ilaha illallah a été conditionné dans le livre et dans la sunna avec des conditions très lourdes. Fait partie de ces conditions la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'acceptation, le conditionnement, le fait de me croire en ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et tu as dit que sa parole, rahimahullah, fait partie, preuve comme quoi il faut pas les arrêter à 7. Et même, il a rajouté un 8e, qui est le fait de me croire en ce qui s'adore en dehors d'Allah. At-taniya tasmiyatuha bish-sharut. وأن الأصح أن يقال أركان لأنها داخل الماهية وتكملة للبحث يقال إن هذه الشروط مرادة يوم القيامة للنجاة من النار أما في الدنيا يكفينا لإجراء أحكامها نطق الرجل بها Le deuxième point que cite ici Cheikh Abdelaziz al-Rais comme quoi pour prouver comme quoi il faut revoir les conditions de la ilaha illallah il dit le fait de les appeler des conditions il dit il faut les appeler des piliers, car ces conditions font partie de la ilaha illallah. Ils font partie de l'accomplissement de la ilaha illallah. Donc ils sont dans la ilaha illallah. Donc ils ne sont pas des conditions, ce sont des piliers. Il a dit pour, et pour compléter cette recherche, il dit, ces conditions sont voulues pour l'au-delà, pour être sauvés du feu de l'enfer. Quant à ce bas monde, ça ne suffit, quand quelqu'un les dise, pour que quelqu'un rentre sur les jugements de la ilaha illallah, ça lui suffit que qu'ils disent la ilaha illallah. Et que les conditions vont servir tout simplement dans le delà et pour être sauvé de le feu de l'enfer. Ça, c'est la 17e remarque que fait Cheikh Obeid au livre Règles et sujets du monothéisme. Maintenant, la critique du Cheikh Obeid. Wal malhoudu ala hadha al-kalam akhid idda. La critique du Cheikh Obeid, il dit, ce qui est reproché à ses paroles, beaucoup de points, beaucoup de choses sont à reprocher à ses paroles. Awalan, man dhakara shurut la ilaha illa min aimmati da'wa, dhakaraha bi adillatiha min al-kitabi wa sunnah. Premièrement, tous ceux qui ont cité les conditions de la ilaha illa parmi les imams de la da'wa, ils les ont cités avec leurs preuves du livre d'Allah et de l'authentique de la sunnah. ثانيا في بعض رسائل أئمة الدعوة سبعة وفي بعضها ثمانية بإضافة الكفر بما يعبد من دون الله فمن ذكر السبعة فهذا على سبيل الاختصار لأن هذا الشرط داخل في بقية الشروط ومن ذكره فعلى سبيل البسط وهذا من الأساليب المحمودة لغة وشرعا. Deuxièmement, dit Cheikh Obeid, dans certains رسائل des imams de la da'wa, les conditions sont citées au nombre de 7. Dans d'autres, ils sont cités au nombre de 8, en rajoutant le fait de mécroire en ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et celui qui a cité 7, c'est celui par résumant parce que la 8e condition rentre dans les autres conditions. Et celui qui a cité la 8e, c'est pour donner plus de détails. Et ceci fait partie des styles qui sont louables, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau de la législation. ثالثا أجمع علماؤنا بعد أئمة الدعوة ومنهم العلامة حافظ الحكمي وسماحة إمام عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذه الشروط وأدلتها كما أجمع غيرهم ممن عرفناه بالسنة كذلك. Troisièmement, dit Cheikh Obeid, Les hommes de science sont à l'unanimité. Après les imams de la da'wa, les hommes de science sont à l'unanimité sur ces conditions. Comme son éminence Hafid al-Hakami rahimahullah, son éminence Abdulaziz ibn Baz rahimahullah, son éminence Mohamed ibn Uthaymin rahmatullah alayhim, son éminence qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, Cheikh Salah al-Fawzan. Ils sont à l'unanimité sur ces conditions et ces preuves, comme sont à l'unanimité sur ces conditions sur et sur leurs preuves d'autres hommes de science que nous connaissons. Rabi'an, يتلخص من تقريرك المشار إليه سابقا أنك خالفت إجماع العلماء والإجماع في أي عصر من العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي حجة يجب التسليم لها فكيف فاتك هذا. Quatrièmement, la quatrième critique que lui prodigue Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala, et il sort comme résumé de ce que tu as, de tes affirmations auxquelles nous faisons allusion, que tu es en divergence avec les consus des hommes de science. Et le consus, à toute époque, après l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, un consensus sur un hukm de la législation est une preuve et qu'il est obligatoire de se soumettre à ce consensus. Comment ceci t'a échappé ? خامسا قلت فإنها لا توجد إلا في أربعة منها وهذا القول منك مجازفة ولا يتفوه به إلا جاهل. Cinquièmement, tu as dit que les preuves ne sont contenues que dans quatre parmi les conditions. Et ceci, tu as dépassé les limites avec cette parole. Et cette parole ne sort que de la bouche d'un ignorant. سادسا قولك الأصح أن يقال إنها أركان لأنها داخل الماهية هذه مخالفة أخرى منك لإجماع أهل العلم والإيمان وأنهم قرروا في هذه المسألة ما لم يفهموه ثم لم تذكر من سبقك من أهل العلم المعتبرين إلى هذا القول. Sixièmement, quand tu as dit que il vaut mieux, ce qui est bon, c'est de les appeler des piliers, car ils rentrent dans l'accomplissement de la ilaha illallah. Ils font partie de la ilaha illallah. Et ceci est une autre divergence de ta part, une divergence avec le consensus, disons, de la foi et de la science. Et qu'ils ont, et comme quoi, ils ont confirmé à ce niveau-là ce qu'ils n'ont pas compris. Et tu n'as pas cité ceux qui t'ont devancé parmi les hommes de science considérés à cette parole-là. سابعا قولك إن هذه الشروط مرادة يوم القيامة للنجاة من النار فيه وقفات. Et septièmement, quand tu dis que ces conditions sont voulues pour le delà pour être sauvé de l'enfer, ceci on s'arrête avec, hein, on fera avec certains halt. أولا ألف من من أهل العلم والإيمان سبقك إلى هذا التقرير. Qui parmi les hommes de science et de la foi t'ont devancé dans cette confirmation et dans ce que tu as avancé là. B. قولك يكفينا لإجراء أحكامها نطق الرجل بها شابهت بهذا القول الكرامية في تعريفهم للإيمان بأنه قول باللسان ولازم ذلك منك أو منهم هو من صريح الإرجاء. B. Quand tu as dit ça ne suffit pour que la personne que s'accomplisse les lois la concernant, que la personne la dise tout simplement par sa langue. Et dans ces cas-là, Cheikh lui dit, tu as ressemblé à Al-Karamiya dans leur définition de la foi, parce qu'ils disent que la foi, c'est une parole avec la langue. Ils disent, cela implique de ta part et de leur part, hein, l'irja clairement. جيم أما تعلم أنه تم أعمال وأقوال يقال وأقوال يعاقب العبد على تركها وقد تصل عقوبته إلى القتل مع النطق بالشهادتين لأنه لم يأتي بحقها المشروط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عمران قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أجمعين قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ne cite pas que certains actes et certaines paroles l'individu est châtié pour les avoir délaissés. Et peut-être que son châtiment peut arriver le fait de le tuer, alors qu'il prononce l'attestation de foi, parce qu'il n'a pas accompli son droit, hein, qui est conditionné dans le hadith, qui est arrivé comme condition dans le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, comme il est chez le Bukhari et d'autres, du hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhu wa arda. Radiyallahu anhu wa ardaah. Il dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent ni dignes d'être adorés qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et s'ils le font, ben ils vont se protéger leur sang, leur fortune, sauf avec le droit de l'islam. Et leur compte, il est chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Ama ta'lamu anna sahabata ridwanullahi alayhim ajma'u ma'a Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum ajma'in ala qital bani Hanifa liman'ihim az-zakat ma'a annahum yantiquna biha. Ne cite pas que les compagnons, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, ont été à l'unanimité avec Abu Bakr as-Siddiq ridwanullahi alayhim sur le fait de combattre Banu Hanifa parce qu'ils ne s'acquittaient pas de la zakat alors qu'il prononce la ilaha illallah. Ama ta'lam anna al-muslimin ajma'u ala qital al-fatimiyin al-ubaydiyin hukam misr wal maghrib fi ba'd al-azmina wa anna darahum dar harb ma'a annahum yaquluna la ilaha illallah. Ne cite pas que les musulmans ont eu un consensus sur le fait de combattre et de faire la guerre aux Fatimites Ubaydiyoun qui gouvernaient l'Égypte et qui ont gouverné à laps de temps le Maroc et que leur maison était considérée comme une maison de guerre alors qu'ils disent la ilaha illallah. دال أحلت في حاشيتك إلى كتاب فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد وهي حالة إلى غير مليء وصاحبه هو ياسر برهام المصري وتركت أهل العلم والدين في كلامهم ما يشفي ويكفي فلما العدول عنهم إلى البرهامي. Et D, tu as envoyé dans le bas de la page vers un livre qui s'appelle Les Vertus Fadl Ghani al-Hamid, commentaire important sur le livre d'El Tawhid, et tu as renvoyé vers quelqu'un qui n'est pas plein. Et celui qui a écrit ce livre, il s'appelle Yasir Burham al-Misri, et tu as laissé les gens de la religion et de la science, dans leurs paroles, il y a de quoi s'assouvir. Pourquoi tu as été vers, tu as orienté les gens vers le Burhami? وهنا وقف كلامه وهنا انتهى كلام شيخنا انتهت تعليقات شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله سبحانه وتعالى ici se sont arrêtées les paroles de, les critiques de son éminence Cheikh Najmi حفظه الله تعالى et avant de vous quitter je vous rappelle frère en Allah عز وجل. Avec tout ça, les hommes de science n'ont cessé et ne cesseront jamais de faire les répliques et de rejeter les erreurs hein, de ceux qui sont tombés dans les erreurs. Et relisez là, et ne soyez pas sectaires, relisez la biographie du Cheikh Twijri, la biographie du Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, comment ils se faisaient les répliques entre eux, alors ils sont restés quand même des frères. Hein? Et qu'ils acceptaient chacun ramener ses preuves, etc. Il n'oublie pas que dans ces répliques qu'il a fait Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, comment il a été doux et le comportement qu'il a utilisé avec Cheikh Abdelaziz Al-Rais Hafidhahullah et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala le ramène hein? Et le préserve. Et à la fin de la page, au début, il lui a dit en écrivant la lettre, noble frère. Et à la fin, il lui a dit ton noble frère qui t'aime en Allah. Hein? Et tous ceci, frère en Allah, Zawajal, nous devons l'avoir à l'esprit. Et je vous rappelle, et je vous conseille, frère en Allah, Zawajal, lisez la nasiha de son éminence, Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah ta'ala, qu'il a fait à son éminence, Cheikh Al-Abbad, autour de son livre. Hein? Les gens de la sunna doivent être doux avec la sunna. Dans ce livre, dans cette nasiha, il y a des règles qui vont vous donner la clairvoyance, incha'Allah, sur beaucoup de points essentiels de la voie de nos plusieurs d'Allah alim. Et qui vont vous être utiles, surtout en ce moment de fitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et on ne saurait terminer cette assise qu'avec le dua de notre prophète, alayhi salatu salam, qui dit, Allahumma rabbash Jibra'il, wa Mika'il, wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wa shahada. أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه ديني لما اختلفوا فيه من الحق إنك تهدي إلى صراط المستقيم ونسوري ترميني ستسيز كافيك سدعا فيك لكل نلافون كومنسي أو سفغا دي جبرايل دي ميكايل كرياتور دي سيو دي لاتر توا كي لا سيونس دي لا فيزيبل جيد نو سور لي سيتواسيون دون لكل يا دي ديفيرجونس جيد نو فير لا فيريتي دون لا ديفيرجونس كار توي لو سول كي جيد سور لا فوا دروات وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا